Et le premier film parlant, c'était... Le premier film parlant, c'était avec Bach. C'était le film Le train de 8h47 avec Laverne. C'est le premier film que j'ai vu parlant. Et vous vous rappelez comment les gens avaient réagi dans la salle au premier parlant, enfin, vous? Mais moi, j'étais très... C'est-à-dire que le son, les paroles, tout ça, ça surprend beaucoup. Il y en était beaucoup. Puis alors, je me souviens qu'il y avait eu un documentaire sur le coureur Ladoumeg à pied là. Eh bien, alors, on était impressionnés, c'est le bruit des pas sur les graviers, tu vois. On n'était pas habitués à ça. Oui, oui, oh là, le son, tout ça, on était le voir loin, puis tout d'un coup, se rapprocher à mesure qu'on marche, là. Mais c'était très, très bien. Ça, je m'en souviens très, très bien, oui. Le public a de suite apprécié le parlant. Ah oui, tout le monde, oh oui.